te souviens quand j'étais ici et qu'on rêvait d'ailleurs tous les deux? C'est bête, mais quand on est ailleurs, on rêve d'ici. Je m'en fous. De toute façon, un jour, je partirai, ça peut plus durer comme ça. Il y a sûrement autre chose, quelque part, qui me ressemble. On ne passe pas sa vie à laver des verres. Il y a forcément pour moi autre chose à faire que servir des cafés crèmes, que d'attraper la migraine en écoutant des pauvres types derrière le comptoir qui parlent de tiercé le dimanche soir. Dis, tu te souviens des rêves sur les terrains vagues? Tu parlais d'avion et moi de fourrure et de bagues. Toi tu es parti et moi je suis restée en rade. J'ai envie de vivre, besoin d'exister, comme dans les à la télé. Peut-être que je t'embête. Pourquoi tu dis ça? J'ai toujours ce rêve en tête. Tu ne changes pas. Toi qui me connais, tu sais que je crève ici. Mais je n'ai pas de courage, tu le sais aussi. 100 fois j'ai fait mes bagages, j'ai préparé mon voyage. Et 100 fois j'ai reculé le jour de mon départ. J'ai rangé ma valise au fond d'un placard, mais j'ai tant rêvé que je l'ai fait ce tour du monde. Moi, j'ai embarqué un soir sur un bateau à Londres. Je me suis baignée dans les eaux bleues les plus profondes. J'ai tant fait la fête. J'ai tellement dansé. Il faut que j'arrête. Je suis fatiguée. Julie, un Ricard. Jamais, s'il vous plaît, jamais merci. Est-ce que tu crois qu'un jour on me dirait « Mademoiselle Julie, est-ce que je pourrais avoir un Ricard, s'il vous plaît ?» ?